Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'ITIS de podcast. Alors pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois aujourd'hui Mikado. Est-ce que ça va ? Bonjour à tous, ça va très bien. Et un invité en la personne de Yetcha. Est-ce que ça va bien Yetcha ? Ça va bien, salut à tous. Bon, alors Yetcha, bah écoute, en tant que nouveau venu invité sur cette émission, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Voilà. Le merveilleux robot n'est en nouveau. Tout d'abord, je voulais vous remercier chaudement de cette invitation sur ce cadeau bonus. Moi, je vais avoir mes 40 ans cette année, donc j'ai été bercé évidemment par les années 80, par plein de choses, les dessins animés qui m'ont orienté beaucoup vers la découverte du Japon et de l'univers de la Japanime en général. Et puis, très cinéphile, donc j'ai eu Canal+, très rapidement avec mon père, donc j'ai été gavé aussi de films des années 80. À côté, j'avais une grande sœur de 3 ans de plus que moi qui m'a fait baigner dans toute la musique des années 80, que j'écoutais pas forcément moi personnellement, mais que je subissais T'as mangé du Madonna comme moi, en fait, quoi. J'ai mangé du Madonna, ouais. J'ai mangé du David Bowie, j'ai mangé de plein de d'artistes des années 80 que, à l'époque, je n'aimais pas, mais qui après m'ont tellement remémoré de bons souvenirs finalement que je suis devenu ultra fan, quoi. Donc voilà, les années 80 sont pour moi vraiment une décennie très très riche en bons souvenirs, en nostalgie, de manière vraiment très très positive, quoi. Alors, bah pour ce nouveau numéro, messieurs, ce nouveau cadeau bonus, on va s'attaquer à, je dirais, pas un monument, mais un classique des années 80. Un classique. Voilà. En la personne, enfin les personnes, puisqu'ils sont deux, les spécialistes, donc de Patrice Leconte, un film de 1985. Alors on va avant tout parler un petit peu de la carrière des uns et des autres. Donc on va attaquer avec Patrice Leconte. Alors Patrice Leconte, plus connu pour ses comédies que pour ses films d'action, on va y revenir. Donc il est né en 1947 à Paris. Avant tout, il était auteur de bande dessinée, il est romancier et évidemment réalisateur, scénariste et metteur en scène. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sa carrière donc se lance vraiment au niveau des longs métrages en 1976, enfin même en 1975, avec le film adapté en adaptation des personnages de Gottlieb, à savoir Les WC étaient fermés de l'intérieur. Alors, savais pas que c'était du Gottlieb, ça. Non, moi non plus, non. Alors, est-ce que vous connaissez ce film, hormis son titre Non, malheureusement, non, mais par contre, tu m'intrigues, la Gottlieb, là, tu vois, je suis intrigué. Oui. Alors, les WC étaient fermés de l'intérieur, pardon, Yetcha, oui, excuse-moi. Non, j'allais dire que oui, j'avais vu le film il y a un sacré bout de temps, mais je ne savais pas que c'était Gottlieb, oui. Les WC étaient fermés de l'intérieur, juste pour faire un petit rappel. Donc, il y a Coluche dedans et Jean Rochefort, qui sont la doublette de base du film. Il y a un individu qui est mort dans ses WC. Il est retrouvé mort dans ses WC, et comme le titre l'indique, les WC étaient fermés de l'intérieur. Donc tout le film va tourner autour de l'enquête de retrouver qui a tué cet homme, puisqu'a priori il aurait été tué, dans ses WC, et qui aurait refermé les WC à l'intérieur. Mais après, en 1977, on lui propose ce qu'il considérait à l'époque comme un dernier projet, à savoir l'adaptation de Amour, coquillage et crustacé de l'équipe du Splendide, qui va devenir à l'écran Les Bronzés. Et donc, on va pas s'étendre sur Les Bronzés, mais parce qu'on leur dédiera, à mon avis, forcément un épisode dans le futur. Même si les deux films datent de 78 et 79, mais bon, je pense qu'on fera jouer l'article 49.3 de la Constitution d'Haïti, on va passer en force sur ce dossier, je pense. Oui, je pense qu'il y aura tout le monde sur le dossier. Hein. Voilà. Donc, deux grands succès. Inutile d'en parler plus avant. Et après, il enchaîne avec plusieurs longs métrages, pareil, avec des succès relatifs, mais qui sont toujours avec des titres assez imagés, notamment Viens chez moi, J'habite chez une copine, qui du coup sera sa première rencontre avec donc Bernard Giraudot. C'est un film dont les deux acteurs principaux sont Bernard Giraudot, comme je viens de le dire, et Michel Blanc. Où Michel Blanc, en gros, se retrouve sans emploi et il a tendance à faire un peu le pique-assiette et le squatter chez Bernard Giraudot. Donc, Viens chez moi, c'est une copine en 1981. Après, je mentionnerai Ma femme s'appelle Reviens, mais toujours avec Michel Blanc, parce qu'il a eu effectivement plusieurs films avec Michel Blanc. Et enfin, Circuler, il n'y a rien à voir, que des titres imagés. Hein. C'est fou cette mode des titres imagés dans les années 70-80. Donc là, c'était un film avec toujours Michel Blanc, hein, évidemment, Jacques Villeray, mais également Jane Birkin. Et puis, à l'issue de ça, donc ce Circuler, il n'y a rien à voir de 1983, il arrive au niveau du projet des spécialistes. Et donc, on va parler ensuite d'un des deux acteurs principaux de ce film, les spécialistes, à savoir Bernard Giraudot, Mikado. Je t'en prie. Eh ben, comme tu le soulignes, Bernard Giraudot, c'est vraiment le beau gosse cultivé du cinéma français des 80s, selon moi. Il faut savoir que donc Bernard Giraudot est né en 47 et qui a fait une grande carrière avant le cinéma dans la Marine nationale, à tel point qu'il a même gardé les liens jusque tout au long de sa vie, parce que malheureusement Giraudot est décédé en 2010. Ce qu'il faut savoir chez lui, c'est que on va dire les films qui l'ont un petit peu révélé au grand public, c'est La Boum de Claude Pinoteau, où il joue le rôle du prof d'allemand. Comme tu l'as nommé, en 81, il joue dans Viens chez moi, j'habite chez une copine. Moi, je m'en souviens très moyennement, je me souviens plus de la prestation de Michel Blanc dans ce film-là. Grand film de 82 d'Alexandre Arcadi qui s'appelle Le Grand Pardon. Et enfin, ça c'est spécial dédicace pour Sirf, 83, Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré. Évidemment, et très honnêtement, dans ce film, il est très mauvais. Je crois, ouais. Parce que et il est transparent. Il fait un résistant. Ah, ouais. Et malheureusement, c'est au-delà. Enfin, ça rejoint absolument pas la prestation que peut donner Giraudot. Parce que selon moi, évidemment, je parle avec mes souvenirs d'enfant. Mais le film qui l'a révélé au-delà des spécialistes, c'était l'année précédente en 84. C'était L'année des méduses de Christopher Franck, dont je me souviens peu, mais je sais que ce film à l'époque avait énormément marqué, quoi. On peut également aussi citer Le Ruffian rapidement, surtout car film toujours en 1983 avec Giraudot et Lino Ventura. Ah, donc film d'aventure où à base de chercheurs d'or au Canada, des descentes dans les rapides et autres. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être des points communs avec les spécialistes. Et surtout, au scénario, c'est José Giovanni, où on aura pareil l'occasion d'en reparler au niveau du projet des spécialistes. Mais ce film-là, l'association Ventura-Giraudot, c'est pareil, assez improbable, mais fonctionne très très bien. Voilà. Donc, et du coup, il arrive sur le projet des spécialistes. Et puis, pour ce qui est de Gérard Lanvin, on va laisser Yetcha nous parler d'un autre beau gosse du cinéma français. Oui, en effet, Gérard Lanvin, c'est plutôt un beau gosse, mais c'est pas exactement le même profil que Giraudot, puisque c'est plutôt le gars viril, et dans le sens un peu bad guy, quoi, du terme. Lanvin, il est né en 50, et il est issu d'une famille bourgeoise. Et il refuse un petit peu cette discipline, etc. Et du coup, il rejette un peu sa famille en partant vers des choses un peu plus pas intimistes, mais la vie un peu plutôt dans la rue, quoi. Il va être forain, il va vendre des fripes le week-end dans les marchés, des choses comme ça. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va faire une rencontre qui va jouer un rôle important dans sa vie avec Coluche et puis Martin Lamotte. Et il va rentrer un peu dans le monde du café-théâtre. Qui s'est constitué à cette époque-là, fin 60, début 70, quoi. Et c'est pour ça que, par la suite, donc, son arrivée au cinéma va commencer avec l'aide de Coluche, notamment. Il va faire sa première apparition au cinéma dans L'aile ou la cuisse en 76. Et on va pas trop... Bon, c'est un petit rôle qu'il joue, Il fait un clown, je crois, non ? Oui, voilà, c'est un copain d'un cirque, là. Il joue un petit clown. Bon, c'est pas un rôle très, très, très marquant. On va le retrouver de manière plus franche, sans vraiment le reconnaître, mais en 77, l'année d'après, dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, de Coluche justement, où là, il va jouer un rôle quand même qui a marqué un peu sa carrière, parce que c'est le Chevalier Blanc, et son entrée en scène est à chaque fois accompagnée donc, de musique et de chansons, puisque c'est lui qui chante aussi, chantant « Je suis le Chevalier Blanc », etc. Il est bien éclairé, il monte toujours sur un promontoire qu'il trouve... dans la scène où il apparaît. Donc c'est vraiment un... on se souvient de ce chevalier blanc dont vous n'aurez pas la avec à un Lorraine, costume quoi. Avec un costume, attention, le collant un peu moule paquet, ah ben, blanc, oui, et ainsi de suite, attention. Donc par la suite, en fait, il s'est éloigné un petit peu de Coluche au début des années 80, et il a participé à plusieurs tournages. Ce qu'il a vraiment mis sur le devant de la scène auprès du grand public, c'est quand même en 1983 le Prix du danger d'Yves Boisset. Qui est quand même un film absolument fantastique que j'ai revu il y a pas très très longtemps et qui est encore Piccoli, tout à fait oui Piccoli en présentateur télé génial, génialissime, ah, il fait peur tellement il présente bien et tellement il a un rôle froid et inquiétant quoi, enfin il est on dirait un psychopathe, c'est fou quoi. Donc voilà, il a explosé vraiment à partir de auprès du grand public dans ce film, et il a rajouté encore une dimension, une corde, son arc. Oui, une corde à son arc, oui. Enfin, il a enfoncé le clou, voilà, c'est ce que je cherchais en 84. Transformer l'essai. Avec Marche à l'ombre hein, de Michel Blanc, donc là où il a éclaté auprès du grand public de manière, enfin, sans appel, quoi, puisque c'est quand même un film qui a réuni plus de 6 millions de spectateurs, donc ça reste encore dans les films les plus visionnés en France. Cultissime français les plus visionnés, donc c'est vraiment un film culte, Marche à l'ombre, avec une super forcément une super BO aussi hein, avec Renaud. Bon, c'est un film classique culte, tout simplement, un classique de toute cette période Et donc ça l'a amené après du coup entre Giraudeau qui avait juste l'année d'avant fait l'année Méduse qui avait beaucoup beaucoup marché en effet comme disait Mikado tout à l'heure et Marche à l'ombre pour l'an 20 en 84 l'année d'avant également. Il y a eu deux acteurs qui étaient vraiment bankable quoi pour le ça. Compte et apparemment donc les alors les pas forcément pour le voilà pas forcément pour le compte puisque le côté bankable je t'avouerais que le compte bon c'est pas que il s'en fiche mais c'est plus alors justement pour parler du projet des spécialistes comment c'est né c'est plus Christian Fechner donc producteur de renom notamment de Les Loups la cuisse de justement Marche à l'ombre et de pas mal de films des années 70-80 qui a eu cette idée, l'idée originale du projet des spécialistes, et qui a voulu absolument, le proposer à Patrice Lecomte. Voilà. Alors Lecomte, qui était lui habitué à faire des comédies, s'est dit pourquoi pas. Il n'avait pas forcément spécialement eu l'idée de faire un film d'action ou d'aventure, mais il s'est dit pourquoi pas, et il a confié l'écriture du film à deux scénaristes, donc notamment José Giovanni que j'ai cité tout à l'heure pour le Ruffian. Et Bruno Tardon. Il faut savoir que les deux ont proposé un scénario et le scénario José Giovanni n'a pas été retenu. Par contre, il s'appelait Les Spécialistes, alors que le scénario de Bruno Tardon ne s'appelait pas Les Spécialistes, mais convenait à l'idée que se faisaient Fechner et Lecomte du film. Donc au final, c'est le scénario de Tardon qui a été retenu avec le nom de celui de Giovanni. Voilà. Donc du coup, après, sur ce projet-là, pour finir un peu sur l'origine du projet, Lecomte a travaillé avec Patrick Devolf, qui est pareil, qui avait travaillé aussi sur Marche à l'ombre, et il a confié donc aussi les dialogues à Michel Blanc, puisqu'il trouvait le scénario trop sérieux, et c'est vrai que Michel Blanc ayant fait Marche à l'ombre, ou quand même les dialogues de Marche à l'ombre, J'ai les dents qui poussent, Je vois des renards, et tout, il y avait quand même une dimension comique, qui marchait plutôt bien et qui permet de d'étendre un peu l'atmosphère qui pouvait régner dans le projet des spécialistes. Donc il a confié ça à Michel Blanc. Juste pour en citer un, par exemple, il y a la phrase où il dit « Je vais éternuer, putain, pince-toi le nez, mais avec quelle main, pauvre con, démerde-toi, je m'en fous, j'ai pas envie de crever du rhume d'un autre. » Et donc c'est vrai que donc il y a la dimension, alors entre guillemets, un peu vulgaire, on peut le dire, qui était aussi l'apanage de pas mal de films des années 80. Oui, c'est ce que j'allais souligner, c'était un peu le ton d'époque. Voilà. Et oui, mais je pense que je pense aussi que la façon, les dialogues dont ils sont présentés. Alors moi, je trouve qu'on ressent beaucoup, en effet, l'action de Blanc, enfin son écriture dans certaines répliques, dans beaucoup de répliques. Mais je trouve pas que ce soit forcément vulgaire. Et je trouve que ça colle plutôt avec aussi les personnages qui sont le personnage principal quand même joué par Lanvin. Carella, il est censé sortir de prison, c'est quand même un voyou, etc. Donc c'est aussi sa façon de s'exprimer, ça m'a pas surpris outre mesure. Donc, et puis Giraudeau, bon, on l'apprendra plus tard, je fais pas de spoiler, mais bon, il est, bon, on découvre que, assez vite que c'est un flic. Bon, les flics ont aussi une façon de parler un peu franche. Il y a un côté parisien un peu, quoi. La phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'est Giraudeau qui dit ça à Lanvin. Oui. Voilà, donc effectivement, Giraudeau également a quelques dialogues un peu crus dans le film. Et il a également le « j'ai pas tué un flic pour arracher le sac d'une vieille ». Donc, alors, bah, écoutez, on a parlé de, on va dire, le démarrage du projet. On va s'attaquer au film proprement dit, mais surtout, on va s'écouter déjà la bande-annonce. C'est parti. C'était une fois un grand méchant, très méchant, assis sur un énorme tas de bûches. Quand t'es sûr que tu veux pas aller casser un bureau de postillon, ça m'arrangerait. Pourquoi, t'en connais où il y a 3 milliards à taxer ? Tu peux répéter là, j'ai pas bien compris. Mais tu râles tout le temps, t'es chiant, car il a t'es chiant. Tu m'entends ? Ça va ? Super. Vous êtes malade ? Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus le casse à deux, mais à trois. Ah bah bravo ! Alors je savais même pas qu'on le faisait à deux, moi. Toi tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non ! Tirez ! Le premier arrivé là-haut a gagné. Regarde pas en bas. J'ai perdu. Casse-toi le nez. T'avais tellement pour con, va ! Mais démerde-toi, je m'en fous ! Je veux pas crever du rhume d'un autre. Ça fait longtemps que vous faites équipe tous les deux ? Deux jours, c'est un coup de foudre. Je n'aime pas ton circuit touristique. T'es jamais contente, hein ? Ah, mais derrière ! Alors oui, c'est spécialiste, messieurs. Est-ce que, par exemple, Yetcha, est-ce que tu as des souvenirs de ces spécialistes ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre ou ton souvenir autour de ce film, sans rentrer dans le détail du scénario et autres, mais quel souvenir tu en as ? Moi, je l'ai découvert avec Canal+, avec mon père, puisque quand même Canal+, dans les années 80, c'était le cinéma avant tout. Mmh. Et donc, j'ai eu l'occasion de regarder, de découvrir ce film avec mes parents, et j'ai été subjugué par l'action, de voir un film d'action en fait français. Ça m'avait surpris, même si j'étais un peu jeune. Et puis il y avait quelques scènes, moi c'était surtout, on en reparlera plus tard évidemment, mais la scène du braquage en fait, où il se déplace avec les ventouses sur les murs et sur les plafonds, ça c'est l'image qui me reste, quoi, quand je pense aux spécialistes, c'est ça, quoi, c'est les ventouses. Ok, bon. Un film de ventouse. Et toi, Mikado, alors, souvenir, rencontre ? Moi, je me souviens que c'était un film que mon père avait été voir au cinéma, donc avec ma sœur aînée, et que je voulais absolument aller voir, mais bon, malheureusement, j'étais trop jeune, donc je me souviens vraiment de la sortie ciné d'époque. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est l'affiche du film. Les deux types vendeurs à l'époque, c'était Lanvin et Giraudeau, donc il fallait bien les mettre en avant. Et la bande-annonce passait, je sais que mon papa avait été le voir, il avait adoré, donc j'avais vachement envie de le voir. Et je pense que comme Yetcha, j'ai dû le voir quand il a dû passer sur Canal ou quand la VHS est arrivée via les vidéoclubs. Ok, bon, et puis puisque tu parles de l'affiche du film, on peut prendre 30 secondes pour en parler. C'est vrai que l'affiche donc représente les deux protagonistes. Donc l'un enchaîné à l'autre, on va y revenir, et en crayonné en fait, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. J'adore ce style personnellement. Je suis super. Alors j'allais dire, c'est quand même particulier. Moi, je me souviens dans la même mouvance les Morphalous et tous les films de Belmondo, et puis même le Marchalon qui était un peu dans absolument ce délire-là. Ouais. Voilà. Après, il y a un côté pas James Bond, mais notamment parce qu'il y a eu plusieurs affiches sur ce film-là, mais il y en a une notamment où on voit juste la tête de Bernard Giraudeau en crayonné avec la roulette du casino derrière, ainsi de suite. Ça faisait vraiment beaucoup penser à un film d'aventure, donc comme peuvent l'être les Bond. James Bond. Ouais. Ah oui. Voilà. Mais c'était un style qui a été un peu abandonné maintenant, par contre. Effectivement, ça faisait très années 80. Ah bah voilà, oui, c'est complètement ancré dans les 80s. Hein. Notamment la fameuse boîte de production vidéo avec la panthère René Château, et justement des films de Jean-Paul Belmondo. Voilà, pour ma part, en termes de souvenirs des spécialistes, je l'ai vu à la télévision, mais pas sur Canal+, parce que j'avais pas Canal+ à l'époque. Mais je l'ai revu plutôt dans les, quand c'est passé sur les chaînes non payantes. J'imagine quelque part dans la fin des années 80. Et j'en avais gardé plutôt un bon souvenir, et j'avais notamment été impressionné, mais on aura l'occasion d'y revenir, par le côté vertigineux de certaines scènes, effectivement. Voilà, bon, bah, messieurs, on va attaquer le long métrage en lui-même, en déroulant un petit peu son scénario et en parlant un peu de ses scènes cultes et de ses passages clés. Alors, comme Yetchal disait, donc, nous avons affaire à deux protagonistes, à savoir Stéphane Carella, qu'on voit en premier, qui donc sort de prison, enfin sort de prison. On a l'impression qu'il sort de prison, mais en fait, il est juste transféré d'une prison à une autre, donc par un fourgon de police. Un fourgon de police qui navigue sur les routes de l'arrière-pays niçois, et donc notamment vers les gorges du Verdon. Et ce fourgon se trouve bloqué par un fourgon qui a eu un accident sur le bas-côté, où on découvre que dans ce deuxième fourgon, il y a l'individu nommé Paul Brandon, joué donc par Bernard Giraudeau, qui a eu un accident. Voilà. Donc, on demande à Lanvin de descendre du camion, et Lanvin refuse, mais au final, il va se retrouver attaché avec Bernard Giraudeau sur une pierre, pendant que les gendarmes essaient de sortir le fourgon de l'ornière. Et c'est là que tout démarre, puisque on se rend compte à peu près en 30 secondes que Bernard Giraudeau, en fait, a le plan de s'évader. Il maîtrise un gendarme, et j'irais même jusqu'à dire qu'il le supprime. Ouais. Voilà, il l'étrangle. Et les deux commencent à courir à travers la pampa. Une course-poursuite s'engage. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette introduction finalement au film? Moi, j'ai trouvé ça, pour ma part, très original et voilà. Ouais, parce que moi, pour être tout à fait honnête, c'est un film que je n'avais pas revu depuis l'époque, ou alors il y a bien une vingtaine d'années que je l'avais pas vu, et donc je l'ai revu pour préparer l'émission. Et l'entrée en matière, elle est cash. Elle est immédiate. Il n'y a pas de mise en bouche ou quoi. Le film commence, comme tu dis, transfert, machin. Et au bout de 2 minutes, t'es déjà dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. Et moi, c'est quelque chose qui m'a bien plu, parce qu'il n'y a pas de chichi autour de ça. Et j'ai trouvé que le côté, les deux types enchaînés, bien malgré lui, qu'il l'emmène, il n'a pas trop le choix et tout. Enfin, moi, perso, ça m'a énormément plu. Et toi, Yetcha? J'avais un peu le même ressenti que Mikado, parce que j'ai revu le film récemment. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu, et j'ai trouvé aussi que d'avoir le générique avec qui défile dès le début, avec les premières images, on est en prison, on sait tout de suite à qui on a affaire. Alors c'est vrai, comme tu disais, Sirf, on a l'impression qu'il sort de prison au début, mais bon, c'est pas le ce qui aurait pas été original pour le coup, mais voilà. Oui, en fait, oui, finalement, c'est, ouais. C'est ça qui est génial. Mais voilà, on sait que c'est un gars qui a fait de la prison, quoi. Donc on est tout de suite dans le vif du sujet, et en effet, ça part très vite dans la course poursuite. Donc le rythme est lancé vraiment dans les premières minutes, et du coup on n'a pas le temps de se dire quand est-ce que ça commence, quoi. Ah oui, on est dans le début, quoi. Ouais, c'est clair. Alors après, justement, tu dis on sait à qui on a affaire, mais paradoxalement, comme je le disais, Lanvin, lui, il a presque fini sa peine, il lui reste un an à faire. Ouais. Et donc, il veut pas d'ennui, et lui, ce qu'il veut, c'est finir sa peine. Et du coup, quand on lui dit de descendre, clairement, il oppose une résistance, et lui, il veut pas de soucis, il veut finir sa peine et payer sa dette à la société et repartir sur des basses scènes. Et je dirais que malheureusement, il est au mauvais endroit au mauvais moment. Alors après, on apprendra que le mauvais endroit avait été généré pour que cette rencontre ait lieu et que les deux se retrouvent enchaînés. Mais c'est vrai que sur le principe, lui, il voulait pas d'ennui, et il voulait vraiment faire son transfert et arriver à sa nouvelle prison. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, comme je le disais, donc les deux partent en course poursuite avec la police. Et là, j'aimerais qu'on s'attarde quand même deux minutes sur les paysages. Ah oui. Parce que pour moi, ça fait partie, alors pas forcément de tout le film, mais toute la première partie du film, donc qui se déroule, comme je disais, dans l'arrière-pays niçois, et donc vers les gorges du Verdon, ça reste pour moi un grand, grand souvenir des spécialistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste pour cette scène, cette scène a demandé 5 semaines de tournage, parce que déjà, les deux acteurs ont eu un entraînement, parce que la plupart des cascades, ils les réalisent eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement impressionnant, parce que déjà, les paysages, ils sont très, très agréables à regarder, je trouve. Et cette course-poursuite, moi, c'est marrant, c'était une des scènes qui m'avait presque le plus marqué dans le film, parce que les mecs sont enchaînés, donc ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de l'un d'autre pour vivre, parce que Ils sont fugitifs, donc ils peuvent être abattus n'importe quand. Et ça, Lanvin le comprend de suite dans le film. Donc malheureusement, il en est bien malgré lui dans cette aventure. Et au début, il lui dit, bah tiens, maintenant, on va escalader la falaise. En chaussures de ville. Évidemment. Voilà. Et en jean moulant. Voilà. Et par contre, ce qui m'a fait un peu, j'ai trouvé curieux, c'est que pour s'évader, enfin, selon Giraudeau, il faut qu'il escalade cette énorme falaise. Tu dis, mais ils vont jamais y arriver. En plus, ils sont enchaînés, enfin, etc. Et d'un coup, les gendarmes, enfin, c'est plutôt l'armée, les rattrape. Du coup, ils sautent de X mètres dans les rapides. Et s'ensuit donc une longue découlade descente jusqu'à entre guillemets leur évasion, quoi. Chose qui n'arrive pas de suite en plus, quoi. Effectivement, juste pour l'anecdote, il faut savoir que Giraudeau de son côté adore l'escalade et Lanvin il déteste et il a le vertige. Et du coup, ce qui cadrait complètement. Ah oui. Et du coup, ça rend le truc très réaliste. Au moment où il lui dit « Allez, on saute justement », et on voit que Lanvin, il est très très crédible dans le côté apeuré et genre « Non, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de sauter », quoi. On sent vraiment que il était très impressionné par le côté vertigineux de l'affaire. Et pour les scènes justement où le côté cinématographique, quand ils sont suspendus en l'air, notamment, bien, parce que évidemment dans toute scène au bord d'une falaise, à un moment, il y a quelqu'un qui glisse et il y a quelqu'un qui se retrouve au-dessus du vide. Ça, c'est un indispensable. Donc là-dessus, ça n'a pas été très original. Mais ce qui était original, c'était la façon de le filmer. Parce que c'est vrai que, justement, le côté, moi qui ai le vertige, je peux vous dire que c'est très impressionnant de les voir. Donc c'est Giraudeau qui est suspendu au bras de Lanvin et où lui dit notamment « Passe-moi ta main et l'autre, je peux pas, je m'en sers ». Parce qu'il se servait de son autre bras pour rester bloqué sur le caillou et donc pour pas lui aussi tomber. Et du coup, le tournage de ces scènes-là a nécessité la souscription d'une assurance spécifique par les acteurs, puisque la production et leur assurance classique ne couvraient pas ce genre de prise. Et donc, il a fallu que les acteurs signent une décharge comme quoi ils voulaient vraiment filmer ces scènes. Voilà. Donc, elle est impressionnante, effectivement, cette scène, voilà. Parce que tu sens l'intensité. Ah oui, tu as vraiment l'impression Giraudeau, il est. Enfin, alors évidemment, il y avait des câbles, voilà, ils étaient harnachés. Enfin, bref, c'est invisible. Mais sur le coup, tu te prends vraiment dans le truc et t'as vraiment peur de tomber, comme Giraudeau peut avoir peur de tomber au bout de la main de Lanvin. Voilà. Donc pour se reconnecter au scénario et à l'avancée du film, comme le disait Mikado, au bout d'un moment, donc il saute dans une rivière et s'ensuit une descente de rapide. Ils se mettent à courir à travers. Ils sont en cavale. Voilà, ils sont en cavale. Et notamment avec cette belle phrase de Lanvin qui dit « Ah non, mais moi, le sport, je veux bien m'y remettre, mais à petite dose. » Et c'est vrai qu'ils vont quand même enchaîner, je pense, un nombre de kilomètres tout à fait respectable en plein soleil. Et ils vont finir par se réfugier dans une espèce de mât abandonné où ils vont passer la nuit, ils vont faire un feu, évidemment. Bref, donc, effectivement, ils se retrouvent autour du feu, où là, s'ensuit une discussion sur le fameux projet de braquage. Donc, c'est là qu'on apprend que Giraudeau a comme projet de braquer le casino de Nice. Donc, le casino de Nice, il faut savoir qu'il est tenu par un individu qui s'appelle Monsieur Mazzetti. Donc, comme son nom l'indique, et non pas de près du jugé, mais bon, cet individu se livre à des activités quelque peu illicites. En gros, c'est un mafieux. Donc ça, on l'apprend après, mais en gros, sur le principe, il y a une somme d'argent énorme à récupérer dans ce casino, et Giraudeau veut tout faire pour faire un casse dans ce casino. Donc là, pour le coup, c'est assez classique, puisque bien sûr, Lanvin, enfin Stéphane Carella, au début dit ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi je veux pas d'ennui, ainsi de suite. Et puis peu à peu, à force d'en discuter, il va se mettre dans l'idée de l'aider. Donc après, c'est pas le seul film qui traite de braquage de casino, mais de votre côté, messieurs, Yetcha, est-ce que c'est quelque chose qui te dans l'avancée du film, de la façon où c'est présenté, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît crédible en termes de jeu d'acteur et d'évolution du film, ce côté braquage de casino qui surgit un peu de nulle part finalement. Est-ce que pour toi c'est bien amené ? Alors, juste avant, je vais juste revenir un instant en arrière parce que j'ai remarqué que vous n'aviez pas eu l'impression, j'ai pas eu l'impression que vous aviez remarqué le clin d'œil qu'il y a à la 7e compagnie. Ah, oui. Lorsque, juste avant qu'ils arrivent dans le mât abandonné, justement, ils sont dans leur voiture et ils vont à l'inverse des forces de police qu'ils croisent sur la route. Oui, exact. Oui. Et ils disent, non, pas la TNAI, non, non, mais il dit, bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le bon sens, souris, souris. Et donc, dans la grande vadrouille, pas dans la grande vadrouille, mais dans la 7e compagnie, quand ils sont dans la dépanneuse, ils croisent une colonne allemande. Et donc, ils vont à l'inverse de la colonne allemande et ils disent, au moins, on est dans le bon sens et vas-y, souris, souris. Et donc, il y a le même genre de réplique avec le même genre de scène. Clin d'œil. Ouais. Je pense, en tout cas, j'ai remarqué ça. Je sais pas c'est si pas c'est faux. Volontaire ou pas, mais voilà. C'est pas faux. Bon, après, et quant à cette histoire de casino. Voilà. Alors, cette histoire de casino, moi, je trouve pas ça. Ça me choque pas dans le déroulé, puisqu'on imagine à ce moment-là que Giraudot est un voyou de sortie de prison, sortie de prison, en tout cas en prison, en transfert aussi, comme Lanvin. Donc, on se dit, voilà, il s'est échappé, il veut de l'argent pour ensuite se mettre au vert, quoi. Ok, donc lui est sur un gros coup, effectivement, et le petit malfrat se dit qu'au début, il n'a pas les épaules, et puis peu à peu, il se dit quand même, je ne peux pas laisser passer ça, finalement. Oui, on se dit que même c'est pour ça qu'il a que Giraudot, que Brandon s'évade, quoi. Il a un plan, quoi. Ok, bon. Alors, suite à ce passage, c'est là que nos amis voient une maison au milieu de la campagne. Et cette maison a l'air vide. Donc, ils s'approchent. Et d'un coup, arrive un 4x4, enfin un pick-up, plutôt, comme on les appelle. Alors, on ne voit pas très bien au départ, mais ce 4x4 les poursuit. Et le pick-up, évidemment, leur roule sur la menotte. Et chacun des deux acteurs est coincé de part et d'autre du pneu du pick-up. Et de ce pick-up descend le personnage féminin de ces spécialistes en la personne d'une fille que nous appellerons Laura, puisqu'on ne saura pas son nom de famille, mais donc une personne que j'imagine vous aurez reconnue. Est-ce que Yetcha, tu l'as reconnue? Non. Elle ne te dit rien, cette actrice? Non. Et toi, Mikado? Elle joue dans les filles d'à côté ou je sais pas quoi. Ah, il est là sur les AV Productions quand même un petit peu. Un petit peu, oui. Eh oui, Christiane Jean, qui joue la rousse dans les filles d'à côté. Bon, alors, attendons-nous quand même 2 minutes sur ce personnage féminin. Donc, c'est une jeune femme, rousse, avec une tignasse qui était à la mode à l'époque. Un peu à la Nicole Kidman, les cheveux très frisés, et qui a une toute petite voix. Ah oui, qui est complètement effacée même. Hein. Et alors voilà, donc, pardon, excuse-moi Yetcha, vas-y, t'allais t'exprimer sur cet individu. Oui, parce que justement, je trouve que finalement, c'est le personnage le plus raté du film, à mon avis. Je trouve qu'elle manque de charisme. On a l'impression que, enfin, elle serait pas là, ça changerait pas grand-chose. Exactement. Grand chose. Un fantôme. Entre conduire la voiture, leur faire 2-3 petites répliques un peu cinglantes, et puis mesurer l'espace qu'il y a entre les deux poteaux dans la ville là, enfin du mur là, non, je trouve qu'elle sert pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le projet des spécialistes, Lecomte et Fechner voulaient absolument un personnage féminin qui soit crédible, qui tienne la route et qui ait une grande importance dans le film. Et il lui-même reconnaît que c'est un échec complet. Ah bah oui. Alors, il dit que c'est pas de la faute de l'actrice. Je suis pas sûr pour ma part. Très honnêtement, elle est mauvaise actrice. Ah oui. C'est peut-être pour ça qu'elle a joué dans Les filles d'à côté. C'est pas faux. Et du coup, lui dit que c'est qu'on lui a pas donné assez d'épaisseur au rôle et assez de choses à dire. Honnêtement, je pense que c'est un mix entre les deux. Ouais, voilà. Ouais. La vérité est entre les deux. Pour parler quand même un peu de ce personnage, la fameuse Laura, donc qui habite dans ce mât à l'écart de tout, on découvre un peu plus tard que son mari a été assassiné par la police quelques mois auparavant, avant la rencontre avec Giraudot et Lanvin. Donc évidemment, les deux personnes, donc Giraudot et Lanvin, sont assez méfiants, surtout Giraudot. Il a déjà, c'est elle qui les libère, donc qui leur permet de plus être attachés l'un à l'autre. Ça d'ailleurs, donc, ça m'a jeté un peu déçu parce que on le voit pas. Ça, c'est, je sais pas, dans mes souvenirs, c'est comme quoi des fois on s'invente des souvenirs. J'avais l'impression qu'ils galéraient pour enlever les menottes, tu sais, ils y allaient à la scie à métaux, j'en sais rien, tu vois, et en fait, rien du tout, il n'y a pas la scène, il n'y a pas de scène. Je pense que tu as peut-être vu ça dans d'autres films oui, où il y a évidemment. D'autres gars enchaînés et qui galèrent ah un oui, peu non, en les mais enchaînant. C'est devenu du classique, mais ouais. Tu sais, au bout d'un moment, les souvenirs se mélangent un peu. Ouais. Et pour moi, il y avait une scène sur ça, et c'est pas le cas, en fait. Elle dit, voilà, dans la remise, là, il y a ça, il y a les outils de mon mari qui est décédé. Enfin, voilà, classique, quoi. Et en fait, il n'y a rien. C'est ça. Donc, bah, ils dorment tous les deux, bien entendu, tout habillés, parce que voilà. La gendarmerie arrive. Donc là, réaction classique, ils croient que c'est Laura qui les a dénoncés à la police. Sauf que la fameuse Laura, elle rentre après la police et du coup, elle se rappelle au bon souvenir de la police en disant, si vous voulez, je peux vous montrer la pièce où mon mari a été assassiné par vos collègues. Parce que je crois qu'il était criblé de dettes, le mari, ou un truc comme ça, non? Il y a effectivement. Il y a pas une histoire comme ça et du coup, il a fait une prise d'otage ou je sais voilà. plus. Voilà, on l'apprend après en fait, ouais, voilà. Parce que elle creuse un peu ce dossier-là dans un passage où on lui souhaite son anniversaire et paf, elle balance. Enfin bref, ça casse un peu le côté festif de la chose. Et effectivement, on apprend que il s'était retranché chez lui puisque Giraudeau, donc on n'a pas encore appris qu'il était flic, mais on va le savoir sous peu. Et il a toutes les informations sur elle et il livre la vérité un peu plus tard. Donc effectivement, cette Laura complètement effacée, hein. Complètement effacée, ouais. Mais complètement amoureuse aussi. Ça aussi de Giro. Bah, on sait pas trop. Bah, en fait, c'est le ouais, cercle, ouais. On pense au cercle, le trio amoureux, mais en fait, il n'est pas développé le truc. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. C'est soit il faisait un truc franco, soit pas du tout. Et là, on est un peu entre des amourettes et tout. On reste sur notre fin. Et ça fonctionne pas du tout. Ce personnage, selon moi, est vraiment dispensable. Il apporte rien au film. Au contraire, même. Ouais, ouais. Oui. Parce que c'est trop de chance, tu vois. Ça casse un peu le. Ah, bon, on a de la chance, on tombe chez une nanette qui déteste les gendarmes et qui ira jamais nous balancer. C'est génial, hein, bon, c'est génial. Enfin, selon moi, ça fonctionnait pas. C'est vraiment c'est vraiment un film que j'adore. En revanche, le passage avec Laura, c'est la fausse note du film. Moi, plusieurs fois, je m'attendais à ce que Lanvin se rebelle lorsqu'elle se rapprochait de Giraudeau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je m'attendais à une bagarre de mâle, quoi, en fait. Mais chasse gardée et tout, rien, quoi. Ouais. Ah bon. Ouais, ouais. Ah, voilà. Alors, surtout que c'était un peu les, on va dire, les critères d'époque, hein, le truc un peu, ben un oui. peu clicheton, mais c'était l'époque qui voulait ça, donc. Non, rien de tout ça. C'est ça. Alors, du coup, ben, une fois que entre guillemets ils sont un peu tranquilles et que la police a bien compris que cette fameuse Laura ne logeait pas de malfaiteurs à son domicile, donc plus personne reviendra pour les embêter, tranquille. va se mettre en place, du coup, ce fameux casse, et elle va revendiquer une part du gâteau. Vis-à-vis de Giraudeau et Lanvin, où là pareil il y a une scène où Lanvin lui dit ah bah alors ce casse on le fait plus à deux, si j'ai bien compris on le fait plus à deux mais à trois, et Giraudeau qui répond ah mais moi j'étais même pas au courant qu'on le faisait à deux, puisque Lanvin était encore dans une démarche où lui voulait essayer de partir, de pas se mêler à cette histoire de casse. Voilà. Voilà, avec en plus il y a une petite réplique un peu avant là, de Lanvin qui est pas mal aussi quand il parle justement à Laura où il dit que elle lui demande si ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient et puis il dit qu'on fait équipe depuis 2 jours, c'est un coup de foudre. Ouais. Ça fait 2 jours, c'est un coup de foudre quand il fait la vaisselle effectivement. Voilà. Ouais, mais le film est tellement rapide. Que le 2 jours, t'as l'impression que c'est des copains de longue date en fait, enfin qui se connaissent de longue date. Oui, c'est ça. Tout est. Oui, mais ça t'arrive dans la vraie vie. Ça, pour le coup, ça m'a pas choqué. Ouais, c'est pas. Des gens que tu rencontres et avec qui tu sens que c'est comme si tu les connaissais déjà. Enfin voilà. Et avec qui tu sympathises super vite. Et ça, pour le coup, dans la vraie vie, je pense. Ouais, mais ça fonctionne. Après, non, mais ça fonctionne. Oui, oui. Après, évidemment, si tu commences à gratter, tu vas voir qu'il y a mille et un trucs qui vont pas. Mais dans ce film-là, qui se veut avant, pour moi, un film d'action, ça fonctionne très très bien. Voilà, t'as pas le temps d'y réfléchir. Non, non, t'enchaînes non, les trucs, bam, bam, bam, ça coulisse. Un peu trop bien, comme on vient de le dire, oui. Vis-à-vis de. Il y a la maison, la fille qui est abandonnée, qui est plutôt pas mal. Parce que ça aurait été une fille obèse qui vivait avec 3 enfants, tout ça, je pense que ça aurait pas été la même. Donc une fois que ce casse à 3 est, on va dire, acté, là, il y a une scène qui arrive où Bernard Giraudeau se rend dans un seul. dans un parking souterrain et nous permet de découvrir un autre personnage du film, alors la personne de Kovacs. Alors ce Kovacs, c'est le commissaire, on découvre. Donc c'est là où on apprend que ni plus ni moins que Giraudot est flic. Et ce Kovacs dispose d'un chapeau façon Sherlock Holmes, avec une veste pied de poule et une chemise à carreaux. Donc autant vous dire que c'est test pour l'épilepsie. Et cet acteur a quand même une gueule. Est-ce que Yetcha, tu veux nous parler un peu de ce Kovacs, de son côté charismatique? Ah oui, non mais ce commissaire Kovacs là, qui est joué donc par Maurice Barrier, qui a fait pas mal de rôles de flic, de chef, de bande de voyous, de gitan, voilà. Et il a vraiment une gueule et ce look là qu'il a dans le sous-sol là, c'est vraiment c'est ultime quoi. Alors c'est pas un chapeau à la Sherlock Holmes, hein, parce non, que non, je suis d'accord. C'est plutôt une sorte de, je sais pas, de chapeau mou qui retombe un peu face à... très très bizarre. On a l'impression qu'il l'a mis à l'envers. Enfin, c'est bizarre. Le flic clicheton des 80s, quoi. Ouais, voilà. Et puis moi, ce que j'aime surtout, c'est quand même son imper, quoi. Un imper bleu qui a la couleur des sacs poubelles propres sacs là de l'époque. C'est énorme. Enfin, il a un look qui claque à l'écran. Il prend toute la place par rapport à Giraudot, hein, dans cette scène. Hein. C'est vraiment, moi j'adore ce personnage. Hein. Il est génial. Avec une voix caractéristique qui cadre tout à fait son rôle. Puis tu sens que les deux flics ne se blairent pas, quoi. Ah oui. Évidemment. Du coup, la scène, c'est, il fait un peu, Giraudot vient pour lui donner un peu le statut de la situation, où est-ce qu'il en est, et ainsi de suite. Ces scènes-là interviennent plusieurs fois dans le film, mais chaque fois, je trouve qu'effectivement, la relation Giraudot-Kovacs est explosive et complètement malsaine. Ouais. C'est assez bizarre. On sent un peu qu'il y a des non-dits, quoi. Ils ont un passif. Ouais, d'ailleurs, on aimerait le connaître un petit peu. Finalement, on n'en apprend pas beaucoup là, par rapport à ça dans le film, quoi. Exactement. Donc une fois que cette scène a eu lieu, évidemment Giraudot retourne voir Gérard Lanvin et Stéphane Carella et Laura, et donc se met en place la scène qu'on va appeler scène des assureurs, où le casino donc Mazzetti de Nice, que les trois veulent cambrioler, donc tenu par la mafia. Le plan est de se faire passer pour la société qui gère, donc qui assure le casino contre le vol, et ainsi de pouvoir passer en revue en toute quiétude les systèmes de sécurité et comment le casino se débrouille pour empêcher les malfrats de venir braquer le casino. Alors messieurs, qu'est-ce que vous indique cette scène? Parce que moi ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est déjà la personne du casino qui les accueille, qui devait être, alors déjà, oui, pardon, j'ai sauté un point. Avant, il y a une scène de, comme il y avait beaucoup dans les films des années 80, où les malfrats, enfin, en l'occurrence, Giraudot et Lanvin, bricolent le téléphone. Évidemment. Et donc, ils se branchent et ils répondent à la place de, ça, c'était très à la mode, à la place, donc, de la société d'assurance pour confirmer le rendez-vous et pour être sûr de se pointer à la place de ceux qui étaient vraiment les assureurs. Et puis récupère aussi les costumes du feu le mari de Laura, qui bien sûr leur vont nickel. Sauf la cravate, cravate Lanvin lui fait et les chaussures aussi, elles sont un peu courtes pour Giraudot, je crois. Giraudot. Par contre, Lanvin, tu sens que c'est un homme à costard, quoi. C'est un homme à trois pièces, quoi. Évidemment. Et d'ailleurs, je pense qu'il joue ça dans le film parce que il montre bien qu'il est parfaitement à l'aise en costume, à l'instar d'un Giraudot qui est pas bien dans ses pompes, quoi, au sens propre comme au sens figuré. Oh bah après, il le porte bien. Oui, justement. Effectivement moins à l'aise. Et en revanche, on va évidemment évoquer cette scène du casino, mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est quand même les deux, voyous recherchés par toutes les polices de France. Et ils se baladent sans problème en voiture, machin. Ils sont jamais inquiétés ou même en stress ou quoi. Bon, c'est un peu des ficelles. Dans le cadre du film, ça gêne pas, mais quand tu grattes un petit peu, tu dis bon. Si tu prends du recul et que tu es à froid, tu te dis. Enfin, je sais pas si vous êtes fait cette remarque, mais ça m'a un peu interpellé, mais après c'est parce qu'on gratte, mais dans le feu de l'action et dans le film, ça gêne en rien, quoi. C'est très bien. Ouais, ça m'a pas spécialement gêné non plus, non. Bah après, donc ça sert pas le propos du film, évidemment. Quoi. C'est ça. Donc ils arrivent dans le casino, au lieu d'être reçus donc par le directeur qui se méfiait un peu de la chose, qui envoie son sous-fifre pour donc faire visiter l'ensemble du casino et de ses moyens de sécurité à Giraudeau et Lanvin. Donc passage en revue des écrans de contrôle avec les différentes pièces donc surveillées, puis destination la salle des coffres. J'aime notamment le passage où Lanvin dit « Ah oui, et ça donne sur quoi, ça ?» Donc, on voit en fait une fenêtre avec beaucoup de lumière derrière. Donc, c'est toujours bien de prendre l'information sur « Est-ce qu'on peut escalader par là ?» ou ainsi de suite. Et là, la personne du casino lui dit « Ah, mais ça donne sur rien, hein, c'est une lampe, en fait, et c'est un mur en béton, juste derrière. » Et là, on sent le Gérard Lanvin qui se disait « Ah, il y a peut-être moyen, mais en fait, non, pas du tout, c'est un mur en béton. » Et après, donc, c'est là qu'on découvre le fameux, l'endroit clé du film, c'est-à-dire la salle des coffres. Alors, à cette salle des coffres, la personne du casino, toute fière de montrer aux représentants de la société d'assurance qu'elle bénéficie des toutes dernières évolutions technologiques de l'époque. Oui, de l'époque, on va y revenir. Voilà. Donc, il y a un SAS où une seule personne peut être dedans à la fois, il faut une empreinte digitale, donc seul le directeur et lui, la personne du casino peuvent ouvrir le SAS. Et du coup, après, il rentre dans le SAS, il montre le coffre. Par contre, il oublie de mentionner, et ça, Lanvin et Giraudeau en parleront après, certains aspects comme le plancher magnétique et un détecteur au niveau de la porte, un détecteur de... quand vous venez avec une perceuse, un détecteur de... Ah, aidez-moi, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, donc ils oublient de mentionner certains détails. Et là, il y a l'éternelle ficelle de « il faut vérifier quelque chose dans une mallette ». Il se tourne vers la porte du coffre et du coup, il prend des photos avec un appareil photo camouflé. Miniaturisé. Miniaturisé dans l'attaché case. Et ça, c'est vrai que c'était pareil dans tous les films ou presse des années 80, il y avait ça. Et puis, évidemment, après, pour sortir, c'est pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur un bouton en étant dedans. Et ensuite, il y a une autre commande qui libère l'ouverture du SAS. Donc, en gros, pour résumer, on ressort de là, les deux ressortent de là en mode un peu découragé. Il y a une scène notamment où ils sont dans la voiture ensuite, où clairement, surtout Lanvin, lui, il est anéanti parce qu'il dit « mais... Le casse, on n'arrivera jamais à le faire, c'est pas possible. » Et Giraudeau, lui, il dit c'est justement parce que ce n'est pas possible que je vais le faire. Ouais, voilà. Bon. Et s'ensuit une scène où Lanvin descend de la voiture et se retrouve seul et va rentrer par ses propres moyens chez Laura. Voilà. Et là, il se fait enlever, ouais. Il se fait emmener dans une sorte de bétonnière, bétonnerie, pardon, comme dans à peu près tout. Une cimenterie, comme dans Robocop. Comme dans Robocop, comme on aime bien le raconter au fil des épisodes, dédicace. Hein. Et il se fait un petit peu casser la figure. J'aime bien quand il se fait attraper par les gorilles de Mazetti, justement, quand il y a une petite phrase où il prend l'accent belge, oui. Je trouve ça... Mais moi, je suis en voyage. Oui. Je suis de Namur. et en fait, Giraudeau vient le secourir. Il abat un peu les hommes de main. Ouais. Et s'ensuit une beuverie pour y fêter ça. Mm. Et en fait, le lendemain matin, ils ont oh, la casquette. Et c'était les dialogues d'époque, tu vois. Moi, j'adore. Et puis en fait, Lanvin se rend compte que les balles étaient à blanc. Donc il demande évidemment des explications à Giraudeau. Il tire sur Giraudeau. Voilà, il lui tire dessus parce qu'il a bien, compris que c'était une mise en scène, que c'était vraiment pas que c'était une supercherie, que c'était absolument pas les gorilles du casino. Et là, il lui révèle tout, que il est policier, qu'ils veulent braquer ça pour lancer une guerre des gangs. Et que l'argent, en plus, il irait au contribuable, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et que la seule chose dont l'envin pourra bénéficier, c'est 6 mois de remise de peine. Alors qu'il lui restait qu'un ange. Donc, je me suis dit, il doit être dégoûté, en fait. Et ouais, parce que là, ils auraient pu, au lieu de faire les rats, ils auraient pu lui dire, bon, allez, un an, allez, c'est bon, on te libère. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça un peu. Ouais, moi aussi, c'est un peu les chocs à pic où il en donne qu'un seul à son chien, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu. C'est un peu chiche. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, pour cette scène, justement, où l'envin menace Giraudeau, il y a une petite innovation de réalisation par le comte. À savoir, il y a les zooms sur les visages des acteurs. Oui, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas très bien. Ah bah moi je alors et le caméra, le comte trouve que ça fonctionne très très bien et moi je suis assez d'accord avec ça, surtout avec un mec comme Giraudeau. Oui, surtout avec Giraudeau, oui. Voilà, parce qu'il a quand même un regard Mais il a un regard de braise, enfin. Ah ouais, là c'est impressionnant et du coup, c'est vrai que ça change du champ contre champ classique qu'il peut y avoir dans ces scènes-là et il faut savoir que c'est Giraudeau qui a proposé cette idée de réalisation à Lecomte. D'accord. Puisque Giraudeau, à l'époque, commençait déjà à s'intéresser à la réalisation, puisque, comme vous le savez certainement, il réalisera notamment Les Caprices d'un fleuve dans les années 90. C'était les débuts de son intérêt pour cet aspect du cinéma. Et Lecomte disait d'ailleurs que ça l'avait beaucoup saoulé lors du tournage, puisque il arrêtait pas de lui dire mais on ferait ça plutôt comme ci ou comme ça, et il avait l'impression que il empiétait un peu sur son boulot et que du coup il était moins concentré sur son rôle. Ouais. Donc voilà. Une fois que la supercherie est découverte entre guillemets, finalement, c'est pas que ça change rien. Mais finalement, peu de choses, parce que ils maintiennent la préparation du casse. C'est Laura qui va faire les courses. Alors ça c'est un grand passage. Laura qui ramène tout ce qu'il faut pour préparer le casse à la maison. Et là, ils se déguisent, ils mettent leur combinaison de pompistes. C'est une scène, j'avoue, ils sont à l'intérieur, quoi, mais dans le salon et tout. Alors, notamment une scène qui, je pense, vous a plu, où l'envin est en train de programmer quelque chose. Ah, ouais. Il programme l'ordinateur. Et alors là, très là, grand moment. Là, c'est un grand moment. Travail de tronche. Parce qu'en fait, il programme un ordinateur de 1984-85. Et c'est grand parce que c'est carrément de l'imprimante à aiguille. Matricielle, ou je sais pas. Non, même pas, oui, à aiguille. Aiguille. Avec les petits trous sur les côtés. On est vraiment dans le ton. Hein. Et en fait, il attend absolument que le chef, le directeur de l'établissement, saisisse à un moment donné le code du casino pour obtenir le code, tout simplement pour pas avoir à forcer le coffre. Et là, grand moment, parce que aujourd'hui, ça te fera un truc à la Matrix, et encore, même Matrix, c'est un peu. Et là, à un moment donné, le code sort à l'imprimante. C'est un grand moment, quoi. Et le code, 4 chiffres. Ah bah oui, oui. C'est un code PIN. C'est pas une clé cryptée 126, tu vois. Non, c'est catchy. Ouais, puis ce qui est rigolo, c'est que heureusement qu'ils ont mis que le moment où l'impression est terminée et puis que la feuille se décale un petit peu, quoi. Parce que s'ils avaient mis toute l'impression, ça aurait été un peu long, quoi. Ouais. Parce que les chiffres sont grands et bon, à aiguille, c'est long, quoi. J'ai pas compris l'intérêt. C'est peut-être qu'à l'époque, c'était sensationnel, mais j'ai pas compris l'intérêt de sortir le code sur un papier, quoi. Enfin. Ouais, moi non plus. Pour montrer. Ouais, mais j'ai trouvé ça grand. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. C'est l'aspect technologique, je pense. Ouais, c'était vraiment ça. Mais c'est là où tu te rends compte que les films qui, entre guillemets, misent un peu sur la technologie, quand ça vieillit, ça vieillit mal, quoi. C'est dur. Donc, on ne peut pas non plus ne pas parler de la fameuse scène des bidons. Avec la préparation donc de la BMW. Donc, il faut savoir que les mafieux, en bons mafieux qui se respectent, disposait d'une grosse berline allemande, à savoir une BMW. Et avec les pneus larges. Avec les pneus larges. Les fameux pneus larges. Du coup, le plan, on le découvrira un peu plus tard, mais le plan, c'est que il faut attirer les mafieux dans une ruelle qui ne leur permettra pas de passer avec leur BM aux pneus larges, alors que la BMW, sans les pneus larges de l'envin et Giraudeau, pourra, elle, passer. Voilà. Donc pour ça, ils s'entraînent dans la cimenterie, dans le chantier, là, avec des bidons d'huile. qui se resserre de plus en plus, où il y a une scène, donc cette scène où le Giraudeau, s'énervant du fait que l'Anvin n'arrive pas à ne pas percuter les bidons, finit par enlever un bidon et se mettre à la place du bidon. Et là, comme par magie, c'est l'essai réussi par l'Anvin. C'est ça. Et ça, c'est marrant parce que on en a parlé. Moi, pour moi, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film. Mm-hmm. Et bizarrement, dans mes souvenirs, moi, c'était pas des bidons, c'était des pneus qui étaient empilés. C'était ça en fait que quand on a préparé l'émission que je vous évoquais. D'accord. Et j'avais fait un amalgame entre les pneus larges de la BM des malfrats à ces fameux bidons. Mm. Et cette scène, moi, elle m'a vraiment marqué. Parce que c'était, tu sens que s'ils réussissent pas, ils seront liquidés, quoi, ils seront assassinés. Bah, c'est finalement la clé du truc, parce que c'est vrai que c'est leur seule porte de sortie, entre guillemets, et la seule manière de semer les malfrats. Absolument, parce que ce qu'il explique très rapidement, c'est que le chauffeur de cette berline est un chauffeur hors compétition, quoi, qui est un virtuose du volant. Mm. Donc c'est pour ça qu'ils ont leur seul échappatoire, parce qu'ils expliquent qu'ils jamais ils arriveront à le distancer, à le semer, ça sera cette petite ruelle. Voilà. Donc, du coup, tout est bien. L'Anvin sait conduire la voiture, passer où il faut. Et là, je pense qu'on peut basculer sur le casse en lui-même. Absolument. Mais je voulais juste. Yetcha, n'hésite pas. Je sais qu'on ne peut pas évoquer toutes les scènes, mais je t'en prie. Non, sur la préparation, en fait, ce qui m'a. Par rapport à l'aspect technologique, quand ils en parlaient beaucoup, enfin, quand ils mettaient ça un petit peu en avant, ce qui m'a surpris en revoyant le film, quand même, c'est qu'au moment où ils ont la bande vidéo, là, quand ils chargent dans les poubelles la surveillance. Tu as tout à fait raison. Ils arrivent à trouver la bande correspondant à la caméra qui face au coffre. Et donc ils ont 20 minutes de bande vidéo. Ils disent faudra faire avec, quoi. Et je suis surpris parce que il aurait fallu la copier et puis dupliquer les 20 minutes pour avoir plus de temps. Je me suis fait la réflexion. Je me suis fait la remarque. Voilà. Ça m'a surpris. Ouais. Alors, c'est vrai que les copies étaient pas faciles à faire avec leur gros magnétoscope, là, chargement supérieur, là. Bon, il en fallait deux, mais bon, ils ont un oscilloscope, donc ils doivent avoir un autre magnétoscope. Oui, c'est un Panasonic en plus. Ouais. Oui, je me suis fait la remarque. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas dupliqué? J'ai pas compris. Ouais. Donc, pour recadrer cette scène rapidement, en fait, en gros, donc Giraudeau et L'Anvin organisent entre guillemets un échange de parce que à l'époque, donc c'était des cassettes vidéo pour les caméras de surveillance et ils orchestrent un passage qui finalement est pas mal. Hein. Où du coup Laura intervient, percute le camion ACFA de la personne qui vient livrer au casino les bandes qui vont servir à l'enregistrement donc de ces caméras de surveillance et il se trouve qu'ils échangent carrément un carton de VHS qui fonctionne pendant que donc Laura discute avec la personne d'ACFA, il y a un des deux autres qui monte dans le camion et qui échange donc un carton, un baril de cassette qui marche contre un baril de cassette qui ne fonctionne pas, de manière à ce que quand les gérants du casino, le service de sécurité va se rendre compte que les cassettes sont défectueuses, ils vont les jeter. Et leur plan, c'est de passer leur vie à la décharge pour fouiller les poubelles. Alors bien sûr, évidemment, ils suivent le camion poubelle qui ne dessert que le casino. Enfin bon, tous pareil, une nouvelle fois, ça s'embrique nickel, entre guillemets. Ils trouvent deux cassettes vidéo. Donc évidemment, il y en a une qui filme la porte d'entrée, un truc dont ils n'ont absolument rien à faire. Et évidemment, la deuxième, donc comme le disait Yetcha, c'est le SAS, enfin l'entrée du SAS. Pour la vidéo du coffre, c'est la vidéo du SAS. C'est le hall qui leur permet d'aller dans la salle. Ouais. Et là, ils ont 20 minutes de bande. Il y a 20 minutes de bande. Donc, faudra faire avec. Alors, on va attaquer le casse à proprement parler. Donc, ils ont leur petite tenue entre guillemets de ramoneur, puisqu'ils parlent de la blague du ramoneur. Et du coup, ils commencent à s'infiltrer. Alors, avec un instrument que j'ai trouvé aussi un peu bricolé, là, c'était cette espèce de truc avec les roulettes sur les côtés, où il y a une sorte de manche à balai qui est télescopique, là, qu'ils envoient jusqu'au bout du conduit pour leur permettre finalement de s'infiltrer dans le bâtiment. C'était assez. c'est bricolé et je trouvais pas ça très crédible. Ça fonctionne dans le film. Ouais, ouais, vite fait. Bah, c'est facilement transportable, c'est le bon côté. Oui, voilà. Quoi. Tu mets ça dans un sac, t'as un... Voilà. Alors justement, le fameux sac, donc, parce que Giraudot, lui, il porte moins de sacs, tu vois. C'est un peu le spécialiste de l'escalade. C'est l'Anvin qui porte tout le matos, quoi. Donc, première salle, c'est la salle où il y a les écrans de surveillance, où là, ils mettent leur fameuse cassette vidéo avec que 20 minutes, où ils échangent les cassettes. Donc là, pareil, pendant 2-3 secondes, ils vont miser sur le fait que les responsables de la sécurité regardent ailleurs. Non, il l'a assommé. Oui, il l'a assommé, mais si tu veux, à un moment... le gars est assommé. Moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est qu'ils échangent les cassettes. Ils disent, c'est bon, ils sont aveugles pendant 20 minutes. Hop, la cassette commence à dérouler. Mais qu'est-ce qui l'empêche, au bout de 10 minutes, de rembobiner, entre guillemets, et de remettre la même cassette? Moi, c'est ça aussi qui m'intriguait, tu vois. C'est qu'après tout, ça fait un saut de 2 secondes. Ça fait un écran noir, non? Pendant 10 minutes, le temps de charger, non? Il y a le temps de rembobinage, quoi, qui va être. Ouais, il est un peu plus long, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, toujours est-il que il a 20 minutes, sachant que toutes les 30 minutes, il y a un vigile qui vient faire sa ronde avec son fusil à pompe dans le hall de la salle des coffres. Donc, en gros, ils ont 20 bonnes minutes pour organiser le braquage. Alors, le braquage s'organise en plusieurs temps. La première chose, c'est, je pense que je vais laisser Yetcha en parler, puisque Giraudot rentre dans la salle des coffres. Et je te laisse en parler de cette fameuse scène des ventouses. Oui, en effet, ils utilisent donc des ventouses, comme il ne faut pas qu'ils touchent le sol. Le fameux plancher voilà, magnétique. Ils utilisent des systèmes de ventouses qui s'accrochent soit au mur, soit au plafond, enfin comme ils veulent. Et il y a une poignée donc à ces ventouses, et ils peuvent se suspendre dans le vide et avancer comme ça tranquillement sans avoir à mettre le pied au sol. Et ils installent une échelle pour pouvoir traverser, passer sur l'autre mur, etc. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment pour moi l'image qui m'est restée de ce film avant de le revoir. C'est l'image que j'avais gardée de ces ventouses, parce que je savais pas qu'à l'époque, du haut de mes 10 ans, je me rendais pas compte qu'on pouvait avoir des super ventouses auxquelles on pouvait s'accrocher pour se suspendre, quoi. Mmh. Et en voyant ça, moi, je me suis dit, enfin, j'aimerais bien des ventouses comme ça, quoi. Ah bah moi, j'allais te dire, c'est un peu un classique des années 80, parce que il y avait cette fameuse ventouse et aussi l'option où ça découpait le verre, tu sais. Oui. Il collait un truc sur la vitre et après, il faisait un rond avec une sorte de diamant. Et ça me faisait rêver, ça, je t'avoue. Ça se voit encore aujourd'hui, ça. Hein. Ça, je t'avoue. Là, on est dans le braquage, quoi. Ouais, parce qu'il y a le Mission Impossible, Mission Protocole, là. Protocole Fantôme, pardon. Il y a sur le Burj Khalifa, là, Tom Cruise, il me semble qu'il fait un trou dans une vitre comme ça, avec un petit diamant. Ouais, non, mais ça, quand j'étais petit, moi bizarrement, c'est plus la photographie du coffre qui m'a marqué. Alors, la photographie du coffre. Alors déjà, il faut savoir que Giraudot, moi, ce que je trouvais impressionnant, c'est son talent et son côté équilibriste. Oui, absolument. C'est vrai que honnêtement, je trouvais pareil ça, c'est crédible, quoi, le côté je vais de ventouse en ventouse, hop, je m'agrippe. Ah oui, il fait de l'escalade. On sent que le gars s'est entraîné pour et que voilà, c'est son truc. Clairement, j'aurais pas vu l'Anvin à la place de Giraudot. Là, non. Pour le coup, les deux personnages. C'était clairement dans le rôle. Et donc, Giraudot opère un artifice où il y a une caméra qui est braquée en permanence sur la porte donc, du coffre, cette fameuse porte qu'ils ont prise en photo grâce à l'appareil photo miniature dans l'attaché case. En HD. Voilà. Et du coup, la fameuse caméra, ils ont acheté exactement la même. Laura leur a acheté au Carrefour Market la même caméra. C'est vrai. Et Giraudot vient coller la même caméra qui dispose des mêmes entrées et sorties vidéo que l'autre. Et il substitue donc le signal vidéo de la caméra qui filme la vraie porte du coffre à une caméra qui, elle, filme l'autre pan de mur où Giraudot a pris soin de coller à la pâte à fixe la photo en poster, en poster de la. Mais je me demande comment, pour le coup, ils ont pas fait ça avec l'imprimante aiguille, hein, je te le dis. Et du coup, ça filme en permanence une image fixe. Et ça, c'est pareil, c'est une vieille ficelle des films des années 80. Il y en a qu'on fait avec le côté le petit support pour mettre une photo avec une image fixe, et il y en a qui filment un poster géant collé sur le mur. pour voilà, éviter qu'il se doute de quoi que ce soit au niveau de la porte du coffre. Donc après, il y a l'ami Gérard Lanvin qui le rejoint. Et fameuse scène où donc le fameux détecteur de choc va être... Giraudeau lui dit « Non mais t'es sûr là pour le détecteur de choc ?»« Oui mais le détecteur de choc, ce que tu veux, c'est quand on attaque, c'est pour les bons à rien, les tocards qui s'attaquent au coffre, à la perceuse. »« On a le code. » »« Mais nous on a le code, regarde. » Et là, il fait les quatre chiffres. Attends, je l'ai sur ma feuille A3. Tu te souviens du coffre ? Du code ? Évidemment. Tu me prends pour qui ? Enfin, bref. Non, mais il y a toujours ce côté duo où ils se taquinent. Ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est vraiment bien. Tu sens qu'il y a Blanc derrière, quand même, Michel Blanc. Voilà, ça. Donc bien sûr, il y a le coup du il est vide, la vieille blague. Ouais. Ah non mais il est vide. Oh, t'es con, Joe. T'es con. Voilà. Et alors là, je sais pas si vous avez fait la remarque, que des billets de 500 francs, donc des billets spaciaux. Peut-être. Ouais. Non mais pourquoi dans les coffres c'est toujours des billets de 500 francs. Ça marque plus les esprits. C'est sûr, si tu fais des coffres avec des billets de 10 francs, bon. C'est moins vendeur, ça fait moins rêver. Quoi. Voilà. Donc bien sûr, ils sortent le sac de sport indispensable à tout braquage. Et puis tout loge dedans pile poil, c'est-à-dire qu'ils savaient combien il y avait. Ouais. Donc ils ont pris un sac chez Sport 2000 de la bonne taille. Tu vois. Ils se sont dit tiens, allop, ça, là il y a pile poil. Voilà. Marque de pointe à l'époque, hein. Sport 2000, quand t'étais en 85, je veux dire, t'avais de la marge, mais là maintenant ils sont ridicules. Coq sport. Le coq sportif, ouais. Ouais, non, c'était le coq sportif, mais il y avait du coq sportif chez Sport 2000. Il y avait du Patrick aussi. Ouais, et du Line 7. Oui, voilà. Du Yeti. Donc, non. Non. Bon. Alors, du coup, Lanvin se retrouve avec le sac, puisque Lanvin c'est le plus musclé, donc c'est lui qui doit soulever le sac avec les billets. Et là, il y a une scène également qui est plutôt sympa avec le petit véhicule, modèle réduit, radio-commandé. Oui, parce qu'il faut sortir du sas. Voilà, il faut qu'il y ait, ce qu'avait dit le responsable de la sécurité, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans le sas et après quelqu'un qui appuie pour ouvrir le sas à la personne qui est déjà dedans. Donc de ce fait, grâce à un mécanisme, une sorte de plaque montée à l'avant du véhicule radio-commandé, Lanvin va réussir, donc il sort par les ventouses. Au passage, pas une ventouse qui tombe, hein, rien du tout. Mais bon, c'est du bon matériel quand même. Donc il sort, il se retrouve dans le sas, et là, grâce à la télécommande... alors je m'attendais à une scène où genre, tu vois, le gros boîtier, comme quand tu veux faire sauter une bombe, tu sais, il sort le boîtier, il déplie l'antenne. Ouais. Non, mais là, non. Voilà. Et donc, il déclenche le véhicule radiocommandé qui vient appuyer sur le bouton pour lui ouvrir la porte du sas. Le truc, c'est que n'ayant que 20 minutes de vidéo, à un moment, il se trouve que la cassette s'arrête. Ah, j'aime bien cette scène. Voilà, et donc le directeur du casino, c'est pas le directeur du casino, c'est Mazzetti, qui a forcément tout de suite l'œil sur les différents écrans. Oui, parce qu'il a ses écrans. Il a ses écrans personnels dans son bureau. Son bureau, quoi. Donc là, il s'en rend compte. Enfin, honnêtement, il s'en rend compte super vite. Quand même. Ah oui. Dans la seconde, il est en train de taper un poker, il le voit direct. Hein. Ouais. Pas très. Excuse me. Et donc il se rend compte qu'il y a un problème. Hop, puis c'est là où le jouet tombe. La patte à fixe. Ouais. Enfin alors. Ouais, non, il dit non, mais tout va bien. Regardez le. Ça, tout va bien. Le coffre est intact. Là, c'est énorme. Et là, la patte à fixe est tombée. Là, le coffre, la photo, le poster est tombé. Et là, tu vois la photo du mur. Alors, franchement, c'est un passage bien. Et alors, voilà, le petit truc qui foire, c'est le véhicule radiocommandé qui était en équilibre sur une espèce de planche. À force de venir appuyer sur le bouton, il s'emballe et il bascule sur le plancher magnétique, déclenchant l'alarme. Lanvin et Giraudeau se retrouvent sur le toit. Alors séparément, du coup, Giraudeau se fait braquer, Giraudeau se fait braquer par un mec de la sécurité, un vigile. Et évidemment, Lanvin arrive pour le sauver et mettre hors d'état de nuire la personne de la sécurité. Donc là, ils sont sur le toit du casino. Et ils descendent jusqu'à la place de parking où les attend la BMW avec les pneus non larges. Donc là, il y a une supercherie avec un sac de sport où il y a des billets de banque et un sac de sport où il y a des coupures de journaux. Ça aussi, c'est un classique. On l'a aussi dans Les Ripoux, on l'a dans plein de films comme ça. Voilà, donc dans le coffre, il y a avec un sac. Avec le même poids, le même sac. Avec le même poids, la même chose, tout quoi. Mais il y a un problème parce que ça pèse pas forcément la même chose. Enfin bref, faut pas y réfléchir dans le film. Donc, et c'est Laura d'ailleurs qui vient préparer les véhicules. Encore un grand passage. Donc, ils montent dans cette fameuse BM, ils prennent le sac avec l'argent, et bah, ça entame la course-poursuite, puisque après, bah, bien sûr, les malfrats arrivent pour prendre leur BMW à pneus larges, et bah, course-poursuite dans la ville, on arrive à la petite ruelle, le passage avec les pneus, où les pneus sont trop larges, et bien sûr, les malfrats se retrouvent coincés. Alors déjà, ils sont bien, bien amochés. Par le choc et ainsi de suite. Donc quoi, faut mettre la ceinture de sécurité. Ah. Hein. Ils se retrouvent coincés, pas moyen d'ouvrir les portières, voilà. Et là, surgit de nulle part. Hein. De nulle part. De nulle part. Peut-être pas le responsable, mais en tous les cas, un dignitaire d'un gang rival qui vient et qui zigouille tous les passagers de la BMW qui étaient bloqués donc dans la petite ruelle. Voilà. Donc ça, j'avoue que c'est un peu surgi. Enfin, ça fait bizarre de la façon dont c'est amené. Ce qu'il faut savoir là, c'est que le film montre en main, il dure 1h30, quoi. Donc il se passe énormément de choses hein, quand même en 7h30. Comme je dis depuis le début de l'émission, on va à l'essentiel. Sans kikine pas, le mec il arrive de nulle part, c'est pas grave, tu vois. On gagne quelques précieuses minutes. C'est ça. Mais je pense. Alors après, il y a eu des scènes coupées de toute manière, effectivement. Ah, je pense. Il doit avoir un director's cut quand même. Hein. En Blu-ray, on ne sait pas, un jour peut-être. Alors, ils se font assassiner, et après, ils retournent à la cimenterie. Oui, normal. Parce qu'en fait, je crois qu'ils ils sont doublés par le flic, qui est donc Kovac. Laissez aucun témoin, vous justifiez la légitime défense, et puis... C'est-à-dire que Giraudeau doit rendre compte à Kovacs, il l'appelle, et il lui dit je suis avec Carella, en gros il a le flingue sur la tempe, voilà, et donc du coup là, Kovacs lui dit non, mais pas de témoin, effectivement, zigouillez-le, on plaidera, enfin, légitime défense, si vous amenacez, le classique là aussi, hein. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, encore technologie ici, puisqu'il y a quand même le téléphone dans la voiture. Oui. Et et notamment le passage où il lui dit, tiens, il y a une cabine pas loin. Il y a une cabine pas loin, exact. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui, c'est le téléphone dans la voiture, qui était aussi l'apanage des véhicules haut de gamme dans les années 80. Le téléphone dans la voiture, quoi. C'était les médecins qui avaient ça au début. Oui. Les professions libérales, ils se baladaient avec leur mallette qui leur servait de téléphone pour mettre dans la voiture. Donc voilà, ils sont dans la cimenterie, et là, on le voit un peu venir hein, quand même, on va pas dire, mais forcément, alors il y a une scène, un mano à mano encore, entre Giraudeau et Lanvin, avec l'histoire du sac avec l'argent. Lanvin propose à Giraudeau de... Puisque Giraudeau veut que Lanvin restitue l'argent et du coup parte, mais libre. Genre, je te vois plus, je dirai rien et tu pars. Sauf que Lanvin, lui, il dit je pars, mais avec l'argent. Et donc Giraudeau ne veut pas, et il s'ensuit une scène où ils veulent faire une sorte de jeu du foulard où ils posent le sac au milieu et c'est le premier qui l'attrape qui gagne l'argent. Bon, au final, cette scène n'aura pas vraiment lieu. En gros, Lanvin prend le sac, passe devant Giraudeau, qui le menace avec son arme. Mais ça, on le voit venir, on sent que il tirera pas de toute manière. Et donc Lanvin se retrouve dehors avec son sac qui serre bien fort comme un doudou, avec ses Pascal dans le sac. Et il va dans le pick-up de Laura, hein, toujours utile. Et puis il s'apprête à partir. Sauf que là, pareil, on découvre, pas venu de nulle part, mais en gros tous les malfrats du gang rival se retrouvent aux abords du chantier et demandent à Carella, donc Lanvin, de restituer l'argent. Et là, il leur fait le classique, mais je vois pas de quoi vous parlez, l'argent, je l'ai pas, et ainsi de suite. Et là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que surgit de nulle part avec un camion énorme, Giraudeau au volant, un tombereau. Je vois que nous avons affaire à un spécialiste. mais honnêtement, quand on voit la configuration des lieux, Lanvin sort du bâtiment, donc a l'air d'être le bâtiment principal, et vu d'où vient le tombereau, je vois pas comment, enfin d'où est-ce qu'il le sort, on l'a pas entendu démarrer, j'ai trouvé ça un peu alambiqué, j'avoue. Il vient de quelque part dans la carrière. Je sais pas. Donc, et là, s'ensuit une scène un peu, j'ai envie de dire, plutôt réaliste, parce que généralement, les scènes où des voitures se font écraser et... Ça explose. C'est relativement... Alors, s'il y en a une qui explose, quand même, bien sûr. Mais surtout, il y a la première voiture qui se fait écraser. On a notamment un détail où on voit qu'il y a encore une personne à l'intérieur. Oui, j'ai remarqué ça. Et pour le coup, on voit... Enfin, c'est très crédible. Ça fait pas mannequin, je trouve. voilà, ça roule sur une partie de la voiture et dans de l'autre partie il y a encore des gens à l'intérieur, et j'ai trouvé ça une nouvelle fois plutôt bien fait. Donc voilà, donc pour vous résumer, Giraudeau écrase plusieurs véhicules. Comme d'habitude, ils tirent tous comme des cochons. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fenêtre panoramique sur le tombereau où, mais ils mettent combien, honnêtement, ils claquent combien, une trentaine de coups de feu avant si de réussir à briser le pare-brise, enfin justement, du tombereau, et à envisager de toucher quelque peu Giraudeau, quoi. Moi, ça me fascine toujours dans les films, le côté minable de viser des malfrats. Enfin bref. Bah après, Giraudeau récupère l'envin, ils montent tous les deux dans le tombereau, ils partent du chantier, et la Jaguar, ils poussent la Jaguar, donc qui est la voiture où il y avait le responsable du gang. Et là, pour le coup, la voiture, à peine arrivée en bas, elle prend feu, elle explose. Donc là, c'est pas très très réaliste, avouons-le, quoi, parce que c'est vrai qu'une voiture qui part en contrebas et explosée comme ça, c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre. Et puis bah là, du coup, voilà, scène finale, en gros, ouais. Quoi, oui. Où les deux se retrouvent dans ce tombereau et avec leur sac de sport. Et voilà, le film se finit sur un train, où les deux protagonistes montent sur un train avec le sac de sport, où ils proposent de partir et se faire oublier, finalement. En gros, c'est ça l'idée, qu'ils partent disparus volontaires. Parce que je crois que Laura, elle avait pris un billet pour aller en Australie, non ? Donc, ils sont censés la rejoindre là-bas, je crois. Voilà. Et alors, donc, il y a toujours cette histoire de trio amoureux dont on ne connaîtra jamais l'issue. Exactement. Donc, bref, ils disparaissent tous les deux, le film se termine. Alors, porte ouverte un peu à une suite, finalement. Oh non, non, moi j'ai pas eu ce sentiment, non. Une suite, je sais pas, mais c'est vrai que la fin est assez curieuse, quoi, de les voir partir sur le train comme ça, vers de nouvelles aventures. Septième Compagnie, tu vois, pour le coup. Le coup du train, ça m'a rappelé, toi qu'on parlait tout à l'heure, ça m'a rappelé la Septième Compagnie. Et, mais alors voilà, donc pour la petite histoire, le comte voulait faire la suite. Ah, d'accord. Mais juste dans la foulée, quoi, mais a priori, ils ont pas trouvé de scénario valable. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui ferait quoi. Et donc, ça a été enterré. D'accord. Mais par contre, le film Une chance sur deux, que vous avez sûrement... Ça me dit quelque chose. Avec Belmondo et Delon, qui date de 1998, toujours par le comte. Mmh. Pour lui, il l'a tourné dans l'optique d'être une sorte de suite aux spécialistes. D'accord, ok. Non, j'ai jamais vu ce film. Très mauvais. Très, très mauvais. Ah, d'accord. Le comte dit lui-même qu'il s'est planté, quoi. Et puis voilà, donc il y a toujours un personnage féminin qui cette fois-ci est joué par Vanessa Paradis. Non, ça me dit rien du tout. C'est très mauvais. Mais c'est vrai que la boucle est bouclée, puisque à l'origine du projet des spécialistes, le but était de faire un film style Delon Belmondo, qui était un peu les têtes d'affiche de l'époque, mais avec un ton plus moderne. Voilà. Et du coup après, il va jouer avec Delon Belmondo dans Une chance sur deux. Voilà. Que dire en conclusion sur ce film ? Est-ce que c'est un film qui a bien vieilli pour toi, Yatcha ? Pour moi, oui, c'est un film qui a bien vieilli, parce que quand même, 85, ça lui fait 30 ans. Et moi, je trouve que c'est encore tout à fait regardable. Alors, c'est vrai qu'il y a ces passages de technologie qui sont surannés, quoi. Donc là, vraiment, ils sont complètement has-been. Mais bon, quand on se remet dans le contexte, voilà, ça passe, ça gêne pas tant que ça. Et franchement, non, tout roule bien. Je crois que vraiment le point fort de ce film, c'est le rythme, quoi. Dès le début, on est dedans, puis ça avance. Comme disait Mikado tout à l'heure, ça dure 1h30, il se passe plein de choses, et finalement, on s'ennuie à aucun moment. On avance dans l'histoire, et c'est vraiment un plaisir à regarder encore aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film, oui. Je suis assez d'accord. Et toi, Mikado? Bah, écoute, j'ai rien à ajouter. Je pense que Yatcha a tout dit. Hein. Je le rejoins complètement. Je suis d'accord. Pour la petite histoire aussi, comme on l'a mentionné au début de ce podcast, le Marche à l'ombre est sorti l'année d'avant, enfin a été fait l'année d'avant. Il est sorti au moment du tournage des spécialistes, et la plupart des personnes du projet des spécialistes étaient aussi impliquées dans Marche à l'ombre. Ce que le comte disait à l'époque, c'est que il souhaitait que le Marche à l'ombre marche pour l'ambiance au sein de l'équipe, et que l'envin soit pas démotivé et se dise « Ah zut, j'ai fait un film pas terrible ». Voilà, donc ils avaient fait à l'époque 45 000 entrées au premier jour sur Paris, ce qui est un très très bon chiffre. C'est pas mal, ouais. Voilà, paradoxalement, le comte s'est trouvé assez effondré suite à cette annonce, puisqu'en même temps, il était content que Blanc ait réussi son film, mais il se disait que du coup, son film Les Spécialistes allait être minable et qu'il pourrait jamais faire mieux. Et avec le recul et au final l'année suivante quand il sortira, ils feront 65 000 au premier jour sur Paris, ce qui est encore mieux que Marche à l'ombre. Au final, je crois qu'ils ont fait 5,3 millions d'entrées. Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. 5 millions c'est un gros succès. C'est un gros succès. Et 6 millions pour Marche à l'ombre, du coup, un peu plus. Ouais, c'est un gros succès des années 80. Gros succès en salle, mais succès critique moyen. Il s'était fait descendre par la presse. Hein. Ah, c'est C'est quand même populaire comme film. Puis si tu creuses un peu, je veux dire, il y a plein de ficelles. On va pas se mentir, mais moi je trouve que encore une fois ça fonctionne très très bien et c'est un film que je recommande avec grand plaisir. Je suis d'accord. Je pense qu'on a on a bien creusé, messieurs, je trouve, à ce film. Donc la bande son, la bande originale est d'Éric de Marsan. Pas inoubliable. On va pas se mentir. Il y a pas de Blu-ray. Voilà, il y a pas de, il y a un DVD qui existe effectivement avec sorti en 2009 de mémoire. Quoi, je pense que messieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a bien, fait le tour de la situation. Oui. On peut dire que les auditeurs seront des spécialistes, eux aussi. Alors, juste quand même pour dire, ne pas confondre, puisque le film est sorti aux États-Unis, s'appelait The Specialists. Rien à voir avec The Specialist, qui est L'Expert, un film de Stallone, avec Stallone et Sharon Stone. Ah oui, je l'ai vu celui-là, c'était pas terrible. Je tenais à le dire. C'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Bon, messieurs, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour balayer ces spécialistes. Ça fait un peu cuisiniste quand même quand j'y réfléchis. Bref, avec les Quincy Schmidt, spécialistes. merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci messieurs, merci Mikado, merci Yetcha. Et puis merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, sur Facebook ou sur notre site 80slepodcast.fr. Et puis on vous dit à très vite pour un autre cadeau bonus ou un autre épisode d'80slepodcast. On va se quitter sur le retour de Gérard Lambert, donc chanson de Renaud à propos notamment de Gérard Lanvin. Allez, ciao ciao, salut. Ciao, salut. Pas de problème, la banlieue peut s'endormir tranquille. Il se passera pas grand chose dans ces ruelles noires. Ce soir, le fils maudit des grandes cités dortoirs est parti pour Paname dans sa Sim Camille. Il va y avoir du sang sur les murs de la ville. Alors cessez de rire, charmante Elvire. Y a un espèce de chien, un vieux loup solitaire, qui se dirige vers Paris. Son nom, Gérard Lambert. Ta-ta-ta. Lambert, c'est un héros, alors il peut pas mourir. Avec lui, c'est le retour de la grande aventure. Celle qui fait hurler, celle qui fait frémir. Dans la nuit, dans le vent et dans la froidure. C'est pas fini. Il est tranquille, peinard, au volant de sa bagnole. Il s'écoute Cap de Vielle sur son autoradio. Musicalement, il adore, surtout les paroles. Quoique des fois il trouve que c'est pas assez un télo. À travers l'essuie-glace, y'en a qu'un qui fonctionne. Il voit la pluie qui tombe sur le périphérique. Il a raté la sortie, le v'là dans le bois de Boulogne. Il est complètement paumé dans ce lieu maléfique. Il commence à paniquer, puis surtout il s'énerve. Il avait un rancard à Paris avec une meuf. Il arrive à la bourre, il a perdu l'affaire. Il manquerait plus qu'il se fasse arrêter par les keufs. Ça continue, attends. Ça fait maintenant une plombe qu'il se perd dans la nuit. Voilà le brouillard qui tombe, c'est normal, c'est l'hiver. Pour l'ambiance de la chanson, faut des intempéries. Faut un climat sordide, comme dans les films de guerre. Lueur des phares, tout à coup, soudainement, tu vois passer une silhouette sur le bord de la route. Enfin, un être humain, se dit-il en lui-même. Je vais demander mon chemin à cette âme en déroute. L'arrête sa Sim Camille auprès d'un arbre en bois. Et à pied, dans la nuit, sous la pluie qui ne cesse, s'enfonce dans la forêt, poursuivant la gonzesse. Car c'en est une, c'est sûr, son instinct ne le trompe pas. Elle est jeune, elle est belle, toute vêtue de rouge, les cheveux ruisselants sur son visage d'ange. Bon sang, se dit Lambert, le petit chaperon rouge,